Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 30 septembre 2024. Je vous propose de démarrer comme à notre habitude par nos amis les béliers. Bélier, Mars n'est pas votre allié et ne facilite pas le maintien d'un rythme élevé. Alors évitez pour cette semaine le surmenage. Et en règle générale, c'est bien d'essayer. Côté relations, le Soleil et Jupiter favorisent votre sociabilité. Des échanges nourrissants et sympathiques embellissent même votre semaine. Prenez le temps d'échanger avec des amis autour d'un café. Amis Taureau, grâce à Uranus, vous êtes ouvert au changement. Alors ne craignez pas d'expérimenter de nouvelles approches parce que cela pourrait vous apporter des surprises plutôt agréables. Côté relations, Taureau-Vénus dans votre secteur du couple est aussi un signe d'une grande puissance émotionnelle. Alors profitez-en pour exprimer vos sentiments, cela pourrait vous nourrir beaucoup. Amis Gémeaux, selon le Soleil, Mercure et Jupiter, vous êtes agiles intellectuellement. Alors mettez en avant vos compétences relationnelles. En côté relation, vous êtes à l'aise comme un poisson dans l'eau dans vos relations professionnelles. Tentez pourquoi pas quelques approches, de nouvelles collaborations pourraient bien surgir. Je vous propose tout de suite de poursuivre avec nos amis les cancers. Cancer, la plupart des étoiles brillent en votre faveur cette semaine. Oui, votre potentiel atteint son summum. Misez sur votre talent pour triompher. Côté relation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce week-end, Vénus, Mars et Saturne vous concoctent un cocktail gagnant. Explorer l'amour, une relation sincère, solide et même passionnée peut vous enrichir. Amis Lion, selon le Soleil, Mercure et Jupiter, vous jonglez avec vos contacts. Alors, pour maximiser ces opportunités, échanger des idées, cela pourrait être la voie de nouvelles collaborations. Amis Lion, toujours côté relation, amicalement, vous êtes choyés. Confiez-vous, car mercredi, des secousses amoureuses s'annoncent. On se tient bien prêts. Amis Vierge, maintenant, Mercure améliore vos finances et avantage vos négoces. Voilà, ça c'est dit. Profitez-en pour établir des budgets clairs et explorer même de nouvelles opportunités d'investissement. Côté relation, mes amis Vierges, l'éclipse solaire de mercredi vous incite à dissoudre tout équivoque si un doute planait dans vos relations. Bien, une seule chose à faire, soyez clairs, tout simplement. Amis Balance, déjà très joyeux anniversaire à nos amis les Balances qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Eh bien, le Soleil, Mercure et Jupiter vous poussent en avant. Votre esprit est rapide. Exploitez votre sens de la répartie. Vous en avez. Côté relation, mercredi, la nouvelle lune en Balance est aussi une éclipse annulaire de Soleil. Elle peut mettre le doigt sur un dysfonctionnement relationnel. Si c'est le cas, crevez l'abcès. Il n'y a que ça à faire. Amis Scorpions, les astres vous gorgent d'énergie tel un fruit mûr, alors continuez sur votre élan et avancez d'un pas sûr, vous serez encore plus convaincant. Côté relations maintenant, les trigones entre Vénus, Mars et Saturne représentent un moment de grâce dans votre vie sentimentale. Votre cœur pourrait trouver satisfaction cette semaine. Poursuivons avec nos amis les Sagittaires. Sagittaires, Mars ne vous facilite pas la tâche. Voilà, c'est comme ça. Alors, certaines besognes sont plus complexes que prévues. Prenez un moment tout simplement pour évaluer vos priorités et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. À demander et à accepter aussi de l'aide, c'est pas toujours facile. Côté relations, n'hésitez pas à réclamer des comptes, vous avez besoin d'assainir certains rapports. Capricorne, vous suivez la voie du succès, rien ne vous effraie. Bougez-vous pour améliorer votre CV ou obtenir des avantages financiers. Toujours Capricorne, côté relation, l'éclipse de mercredi vous impose une explication en famille, entre amis. Osez aborder certains sujets de discussion, vous éviterez des quiproquos fâcheux. Ça va toujours mieux en le disant. Verseau, le Soleil et Jupiter contribuent à votre expansion, diversifiez vos investissements, oui, de temps mais aussi d'argent. L'avenir vous sourit. Côté relation, mercredi, le Soleil, la Lune et Mercure favorisent le dialogue, l'entente amicale et professionnelle. Placez vos rendez-vous autour de cette date. Voilà, profitez-en, c'est le moment pour s'occuper de tout ça. Et enfin, mes chers amis petits poissons, Pluton et Uranus vous encouragent à revenir à l'essentiel, vous concentrer sur ce qui est vraiment nécessaire. Alors cette semaine, on évite un petit peu les distractions. Enfin, côté relations, Vénus, Mars et Saturne, créez autour de vous un climat de sécurité et aussi de sincérité dans tous vos liens affectifs. Alors surtout, prenez cette semaine avec sérénité. Voilà, on en a bien besoin. Et voilà, mes chers amis, l'horoscope de la semaine est terminé et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles prévisions. Portez-vous bien. Ciao !